Le mardi 11 septembre, Fadjet s'est invité à la journée défense et citoyenneté qui avait lieu au centre de secours de Neuve-Maisons. La JDC, Journée défense et citoyenneté, s'est associée au service départemental d'incendie et de secours de Meurthe-et-Moselle pour sensibiliser les jeunes appelés à la vocation de pompiers volontaires. Tout au long de la journée, les professionnels du centre de secours et les militaires ont animé divers ateliers. À l'issue de la journée, des certificats ont été remis aux participants de la JDC. Pour rappel, la Journée défense et citoyenneté concerne les lycéens âgés de 16 à 18 ans et est un passage obligatoire pour tous les lycéens. Alors Jean-Luc Chiquès, du Centre du Service National de Nancy. Nous organisons aujourd'hui donc une journée défense et citoyenneté thématique avec notre partenaire donc le SDIS 54 et nous sommes au centre de secours de Neuve-Maisons. Alors cette JDC thématique est organisée chaque année à peu près dans un département de Lorraine. Nous organisons aussi des autres JDC thématiques, que ce soit dans le milieu sportif, dans des musées, par exemple. Le but, c'est de faire la promotion du parcours de citoyenneté, qui sont trois étapes importantes. La première étape, c'est grâce à notre partenaire, l'Éducation nationale. La deuxième étape, c'est le recensement. Donc, tous les jeunes, dès l'âge de 16 ans, doivent se faire recenser donc en mairie. Et maintenant, donc, il y a majdc.fr, une nouvelle application où les jeunes peuvent se faire recenser et suivre leur JDC, leur convocation. Ensuite, pour organiser une autre journée défense et citoyenneté, autrement, c'est 25 000 jeunes qui participent à cette journée sur le département 54, 55, le 88 et le 57. Bonjour, moi je m'appelle Loane Bruet, j'ai 17 ans. Je suis en première ASSP structure, en bac pro à Tournelles. J'habite à Pont-Saint-Vincent et je voudrais m'engager en tant que pompier volontaire parce que moi, ma vocation, c'est vraiment tout ce qui est la médecine, aider les personnes en danger ou en détresse. Et les pompiers, c'est mon rêve depuis toute petite. Et tu veux faire quoi comme métier du coup ? Pompier pro de Paris. Et qu'est-ce que tu as pensé de la journée pour l'instant, la matinée ? Comment tu as trouvé cette petite matinée à la caserne ? Très formative parce que j'ai appris du coup des choses. Et ça m'encourage encore plus à devenir pompier, quoi. Et tout ce qui est question du volontariat, etc., est-ce que tu as trouvé qu'ils informaient bien ce matin ? Oui. Ils m'ont expliqué du coup que c'est en mars, du coup que je pourrais vraiment venir pour les deux semaines, du coup pour les épreuves, tout ça. Et qu'est-ce qu'il faut faire par exemple comme épreuve ? Je crois qu'il y a de la course, de la natation, donc 2 fois 100 mètres, du gainage, des tractions. Enfin, je crois que c'est tout. Merci. Bonjour, je me présente, je suis le lieutenant Heinrich, le chef de centre des sapeurs-pompiers de Neuve-Maisons. Aujourd'hui, nous organisons conjointement avec le centre du service national une journée défense et citoyenneté exceptionnelle où l'occasion nous est donnée de sensibiliser nos jeunes qui sont issus du secteur plutôt néo-domien entre guillemets, c'est-à-dire des jeunes qui sont axés sur les communes plutôt Neuve-Maisons, Viterne, Richard-Ménil, Chaligny, Chavigny, etc., pour promouvoir un petit peu ce qu'on appelle la promotion du volontariat et pourquoi pas susciter des vocations pour de jeunes gens âgés de 16 à 18 ans pour s'engager en qualité de sapeur-pompier volontaire. Alors bonjour, je m'appelle Lisa, je suis en prépa école de commerce et aujourd'hui j'ai fait ma journée JDC à la caserne de pompiers de Neuve-Maisons. Alors ce matin, on a commencé par un test de français, par la présentation d'un officier de la marine et d'un officier de l'armée de l'air. Et personnellement, j'ai aimé déjà la matinée parce que c'est pas mal instructif. On nous apprend quand même pas mal de choses. Et du coup, ça donne envie d'être encore plus curieux. Pareil, l'après-midi, on fait des activités. Ça nous montre la réalité du terrain, comment ils sont organisés. C'est pas mal. Et toi, tu veux pas du tout te diriger vers pompier volontaire ou quoi, c'est pas... Mais j'ai voulu faire pompier volontaire il y a 1 ou 2 ans. Et puis en fait, j'ai renoncé parce que je pensais qu'il y avait une date de début. Par exemple, il fallait avoir 16 ans ou 17 ans, je sais plus. Et du coup, je me suis pas lancée. Et puis après, j'ai fait des études, donc j'ai abandonné l'idée. Mais c'est vrai que si j'aurais pas été dans les études que je suis là maintenant, je pense que j'aurais travaillé dans l'armée de l'air parce que ma passion c'est les avions. Donc voilà. Okay. On va leur présenter 3 ateliers pour que ces jeunes puissent voir un petit peu la force qu'on peut dégager, notamment sur des ateliers qui regroupent une démonstration de ce qu'on appelle une évacuation sanitaire avec la grande échelle, notre échelle pivotante automatisée. Un atelier également qui est consacré sur les gestes qui sauvent, donc ni plus ni moins le fait de savoir par exemple faire une position latérale de sécurité, rappeler peut-être tout simplement le numéro de secours en France et plus particulièrement des sapeurs-pompiers, mais également des gestes anodins qui peuvent préserver la vie de nos concitoyens. Et enfin, un 3e atelier est plutôt dédié à la présentation de notre véhicule on va dire, phare, entre guillemets, c'est le véhicule incendie, notre fourgon pompe-tonne secours routier, c'est-à-dire que c'est un engin qui est capable d'éteindre des feux, mais également de travailler sur des désincarcérations de véhicules. Donc l'objectif pour nous, encore une fois, c'est de montrer un petit peu notre savoir-faire avec nos engins propres à Neuve-Maison, CIS Neuve-Maison, tout en sachant que principalement nos missions sont axées sur environ 75-78% au secours à personne. Bah bonjour, je m'appelle Gabriel, j'ai 17 ans, je suis en JDC, j'ai fait ma journée aujourd'hui et puis bah ça va, c'est pas mal, enfin c'est bien de voir les véhicules des pompiers, de voir différentes choses, qu'est-ce qu'il y a comme véhicule de secourisme, de feu, enfin tous les véhicules. Moi perso, c'est pas la chose que j'aimerais bien faire, mais ça me plaît de voir les véhicules, leur fonctionnement, comment ils sont. Et ce matin, qu'est-ce que vous avez fait du coup ? Ce matin, on a fait une épreuve de français. On a fait voir comment c'était l'armée, qu'est-ce qu'il y avait toutes les catégories qu'il y avait dans l'armée. Mm-hmm. Donc l'armée de l'air, de terre, et ils nous expliquaient qu'est-ce que c'était leur fonctionnement. Qu'est-ce qui était leur méthode maintenant pour voir où étaient les terroristes ou des choses comme ça. Et la JDC dans son ensemble, qu'est-ce que t'en penses ? C'est une bonne chose ou pas de faire ça aux lycéens ? Moi, pour moi, oui. Ouais. Oui. Pourquoi ? Parce que là, par exemple, là, c'est pour les pompiers, donc ça nous apprend à voir qu'est-ce qu'ils font, voir vraiment comment ils réagissent dans les situations d'urgence et de voir qu'est-ce qu'ils ont comme matériel. Et aussi, ils nous apprennent aussi voir comment l'armée ils ont comme matériel, tout des trucs comme ça. Aujourd'hui, on recrute de 16 à 55 ans toute personne qui a envie de s'engager dans cette action citoyenne, venant de tout horizon, avec des spécificités au niveau travail, que ce soit par exemple des jeunes étudiants ou des gens qui sont dans la plomberie, dans la maçonnerie, etc. L'objectif, c'est vraiment de pouvoir recruter sur un large panel. Et aujourd'hui, on essaye vraiment d'axer aussi diverses personnes en fonction de leurs compétences, de leur profil. Aujourd'hui, il faut savoir qu'un pompier volontaire est assimilé à un pompier professionnel dans le type de missions qui lui sont confiées. Mais aujourd'hui, on peut recruter des gens, plus spécifiquement dans le domaine du secours à personne. Voilà, ce qui peut aussi provoquer et susciter des vocations chez peut-être des infirmières, des mamans au foyer, des gens qui auraient peut-être une peur ou une légère phobie du feu. Donc on essaye vraiment d'inonder plusieurs types de personnes pour justement favoriser ce recrutement et dire finalement que toute personne peut apporter sa petite pierre à l'édifice justement pour avoir cette action citoyenne. Après une journée passée au centre de secours, avec les pompiers, les militaires et les lycéens dans la bonne humeur, on se rend compte que la JDC est une étape vraiment importante dans la vie du lycéen.